nage dans mes pompes et mes chaussettes. Mais qu'est-ce que je fous, pourquoi je suis pas net? Je nage dans mon slip et mon futal. Mais qu'est-ce que je fous au bord de ce canal? Je nage dans ma chemise et mon costard. Mais qu'est-ce que je fous allongé sur ce brancard? Je nage dans mon short et mon bonnet. Mais qu'est-ce que je fous dans votre cabine? Je nage dans ma chemise et mon costard.